papa, comment c'est là-bas? Dis papa, est-ce qu'on a le droit de tout donner? T'as ton récompensé. Dis papa, est-ce qu'on se retrouve comme avant, comme des pétales de rose au gré du vent? Au gré du temps. Dis maman, comment c'est là-bas? Dis maman, est-ce qu'on a le droit d'aimer ainsi? D'aimer jusqu'à l'oubli. Dis maman, toi qui es parti bien avant lui, est-il vrai que tu veilles sur tes enfants? Tu fuis maman. Oui, je sais bien qu'on s'y fera. La vie s'acharne ici-bas. Dis maman, est-ce qu'il y a une place à vos côtés? Nous est-elle réservée? Dites-moi, allons-nous vraiment nous retrouver? Serons-nous ensemble pour toujours à célébrer l'amour? Dites, vous attendrez des ailes. Est-ce que la bête éternelle? Je t'aime sans réponse. Mais quand je regarde le ciel, je sais que